Méditons ensemble le rendez-vous quotidien avec Dieu à travers la réflexion sur les Saintes Écritures. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Merci pour l'intérêt que vous portez à Méditons ensemble votre émission de dévotion matinale. Nous lisons pour ce mardi 25 février 2020, Jean chapitre 11, les versets 46 à 57. Lorsque Jésus se révèle aux hommes, il déclenche toujours plusieurs réactions. Pour certains, ce prodige, la résurrection de Lazare, était la preuve formelle qu'il disait la vérité sur lui-même et sur le Père. Mais d'autres allaient rapporter cet incident à ses ennemis jurés, les pharisiens. Il me semble incroyable que quelqu'un qui assisterait à un tel déploiement de puissance et d'autorité ne s'interroge pas sur l'origine et la nature d'un tel faiseur de miracles. Selon les Écritures, la dureté du cœur rend quelqu'un imperméable et aveugle aux réalités spirituelles. Mais qu'est-ce que cela signifie? Un spécialiste dans l'enseignement d'enfants aveugles a dit qu'une de leurs difficultés principales est de comprendre la logique cause à effet. Ils entendent bien qu'une balle touche le sol, mais ne saisissent pas qu'il a fallu d'abord la lâcher pour qu'elle puisse tomber. Il en est apparemment de même pour ces incrédules, ces pharisiens, qu'ils soient religieux ou d'autres. Ils voyaient bien les signes prodigieux que faisait le Christ, mais étaient incapables de remonter à leur corps, c'est-à-dire à leur origine divine. Toutes ces vérités bibliques que nous allons découvrir dans ce texte, nous allons le tirer avec l'évangéliste Jean-Marc Agnero. Bonjour évangéliste. Bonjour mon bien-aimé Adombi. Vous êtes président de GFD, Génération sans divorce. Juste en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Mon frère Adombi, vous savez, nous sommes dans une situation où tous nous constatons que le divorce est en train de ravager l'Église. Et Génération sans divorce, c'est ce ministère-là qui a fait le choix de faire la promotion du mariage et surtout du bonheur conjugal pour redorer le blason de cette institution-là. Et donc, nous accompagnons les couples en danger. Nous accompagnons aussi les couples qui veulent raviver la flamme de leur bonheur. Et nous accompagnons aussi les célibataires dans le choix. Parce que nous croyons qu'un mariage n'est heureux que dans la mesure où le choix est le choix de la bonne personne. Et nous aidons aussi les fiancés dans l'honneur du protocole qui conduit au bonheur conjugal, à un mariage véritable. Donc voici un peu la mission de Génération sans divorce. D'accord, merci évangéliste. L'équipe de Méditons ensemble ce matin est composée d'Alex Adombi Pacom à la présentation. La mise en onde est assurée par Edouard Yao. Place à la prière, nous prions avec l'évangéliste Jean-Marc Agnero. Tendre Père, nous te bénissons. Ta parole est la vérité. Nous la reconnaissons comme étant la vérité, et c'est la raison pour laquelle ce matin nous avons dévancé l'aurore pour nous asseoir à tes pieds afin de recevoir instruction. Merci parce que tu ouvres notre intelligence et tu écris ta parole dans notre cœur pour que nous te ressemblions davantage. Au nom de Jésus, amen. Amen. Lisons le texte que nous permet de lire ce matin le lecteur de la Bible. Il s'agit de Jean 11, les versets 46 à 57. Nous lisons dans la Bible, version français courant. Verset 46. « Mais quelques-uns d'entre eux allaient trouver les pharisiens et leur racontaient ce que Jésus avait fait. Les pharisiens et les chefs des prêtres réunirent alors le conseil supérieur et dirent, « Qu'allons-nous faire? Car cet homme accomplit beaucoup de miracles. Si nous le laissons agir ainsi, tous croiront en lui. » Puis les autorités romaines interviendront et détruiront notre temple et notre nation. L'un d'entre eux, nommé Caïphe, qui était grand prêtre à cette année-là, leur dit, « Vous n'y comprendrez rien. Ne saisissez-vous pas qu'il est préférable pour vous qu'un seul homme meure pour le peuple et qu'ainsi la nation entière ne soit pas détruite ?» Il ne disait pas cette parole de sa propre volonté, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisait que Jésus devait mourir pour la nation juive. Et non seulement pour cette nation, mais aussi pour rassembler en un seul corps tous les enfants de Dieu dispersés. Verset 53. Dès ce jour-là, les autorités juives décidaient de faire mourir Jésus. C'est pourquoi Jésus ne continua plus à aller et venir en public parmi les Juifs. Il se rendit dans la région voisine du désert, dans une localité appelée Éphraïm, où il resta avec ses disciples. La fête juive de la Pâque était proche et beaucoup de gens du pays se rendirent à Jérusalem avant cette fête pour la cérémonie de purification. Ils cherchaient Jésus et alors qu'ils se trouvaient dans le temple, ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'en pensez-vous ? Viendra-t-il à la fête ou pas ?» Les chefs des prêtres et des pharisiens avaient ordonné que si quelqu'un savait où était Jésus, il le fasse savoir pour qu'on puisse l'arrêter. Amen. Amis auditeurs, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous à Méditons Ensemble. Nous savons que vous êtes des milliers à écouter cette émission. Pour ce jour, nous vous proposons la lecture de Jean chapitre 11, les versets 46 à 57. Texte tiré bien sûr du lecteur de la Bible. Hier, nous avions lu avec l'évangéliste Jean-Marc Agnero, Jean chapitre 11, les versets 28 à 45. Bonjour évangéliste. Oui, bonjour mon bien-aimé. On va revenir sur les enseignements tirés de ce texte lu hier. Hier, nous étions avec la résurrection de Lazare et nous avons dit qu'il était important pour nous d'avoir une autre dimension de la révélation du Seigneur. Et parfois, cela passe par des épreuves, des situations douloureuses, des situations difficiles, mais que dans ces cas de figure-là, nous avons aussi la responsabilité de continuer à venir vers le Seigneur et surtout de croire, parce que c'est en croyant que nous voyons la gloire de Dieu. Il est important de croire pour expérimenter cette dimension de Dieu-là, parce que c'est ce que Dieu veut. Dieu veut nous faire découvrir. Et nous avons dit que peu importe l'état dans lequel se trouvait un mariage, une entreprise, un état de mort, même si le mariage était allé jusqu'au divorce, même si la vie spirituelle était littéralement morte, le Seigneur Jésus est capable d'amener sa vie. Il suffit simplement de lui montrer où se trouve cette situation-là. Et nous avons prié. Et donc nous voulons exhorter aujourd'hui encore toutes les personnes qui étaient avec nous à la méditation d'hier de continuer à croire aujourd'hui, de croire que tout était possible pour eux. D'accord. Le texte d'aujourd'hui est la suite logique du texte lu hier. Il s'agit de Jean chapitre 11, versets 46 à 57. Nous sommes dans l'observation. De quoi parlent ces versets? Nous vivons les lendemains de la résurrection de Lazare. Et cette œuvre a été perçue par les pharisiens comme une grave menace. Une partie des pharisiens. Voilà, une grande partie. Oui. Voilà, des pharisiens comme, j'ai envie de dire, la classe dirigeante même, les religieux, comme une menace contre laquelle il faut prendre des mesures. Et donc, ils ont fait le choix de convoquer une assemblée dans le but de discuter de ce qu'ils devaient faire. Et donc, nous sommes dans les conséquences directes de la résurrection de Lazare. Alors, généralement, quand quelqu'un est ressuscité, cela devrait produire beaucoup de joie, mais c'est le contraire, notamment que nous voyons avec les pharisiens. Les intérêts diffèrent d'une personne à une autre. Voilà, et quand les intérêts sont menacés, on ne peut pas aller dans le sens de la joie. Oui. Au contraire, on va dans le sens de l'opposition. On voit ce qu'il faut faire pour ne pas que nos intérêts soient menacés. Voilà. Et donc, c'est dans cette disposition de protectionnisme de leur acquis. Oui. Voilà. C'est dans cette logique-là que se sont inscrits les pharisiens. D'accord. Nous allons vous donner des enseignements à la fin de l'émission. Ce sera dans l'étape que nous appelons l'application. Avant cela, nous allons interpréter le texte sur la base de deux questions. Pour l'instant, nous allons continuer d'observer notre texte avec les deux mouvements de notre invité, l'évangéliste Jean-Marc Agnero, qui nous propose évidemment deux mouvements. Le premier mouvement, conclave des responsables religieux, les versets 46 à 52. Et le mouvement 2, ce sont les versets 53 à 57, décision de la conclave. On va commencer par le premier mouvement, conclave des responsables religieux, les versets 46 à 52. Oui, nous voyons que les pharisiens ont reçu la nouvelle de la résurrection de Lazare. Et donc, cette situation-là les préoccupait telle qu'ils étaient obligés de se réunir pour prendre des mesures. Et donc, dans cette réunion-là, cette conclave-là, une chose ressort, c'est qu'ils étaient conscients qu'il y avait trop de signes miraculeux que Jésus produisait dans son ministère. Et leurs inquiétudes étaient que tout le peuple se détourne d'eux, qui étaient les garants donc, de la loi, et se détourne d'eux pour croire en Jésus. Et donc, ils avaient véritablement peur de voir le peuple échapper à leur influence et échapper à leur domination. Alors, s'ils se joignaient à Jésus, qu'est-ce qu'ils perdaient justement? Ils perdaient leur influence ils n'étaient plus les personnes vers lesquelles on devait se tourner. Mmh. Ils n'étaient plus les autorités religieuses qui conduisaient le peuple. Voilà. Et ça, c'est un honneur qu'ils perdaient pour eux. C'est impensable. Et surtout qu'ils ne pouvaient pas se joindre à Jésus parce que pour eux, Jésus n'était pas dans la vérité. Mmh. C'est eux qui étaient les garants de la vérité. Et donc, ils n'avaient pas intérêt à se joindre à Jésus parce qu'ils perdaient trop. Ils perdaient trop. Non seulement ils se perdaient eux-mêmes, mais ils perdaient tout ce qu'ils avaient. Et donc, ils ne pouvaient pas. Et pour eux, l'une des raisons, c'est que si tout le monde suit Jésus, croit en Jésus, s'il laisse cela se passer, alors les Romains viendraient détruire leur nation. Mmh. Comme si Jésus était un rebelle contre l'autorité romaine. Pourtant, dans la politique de Jésus, ce n'est pas une rébellion que Jésus fomentait contre l'Empire romain. Mais malheureusement, dans leur aveuglement, c'est ce qu'ils ont trouvé comme... raison sur laquelle s'appuyer pour prendre des décisions. Et par rapport Caïphe, à cette décision, oui. Caïphe même a prophétisé. Mmh. J'aimerais dire que c'est à son insu. Oui. Il ne savait pas qu'il prophétisait. Mmh. Pour lui, c'était par rapport à son raisonnement-là. Non, il est important qu'une seule personne meure pour le salut de toute la nation juive. Mais l'évangéliste nous dit qu'en fait, il était souverain sacrificateur et il était en train de parler de la part du Seigneur. Ou je dirais, pour être plus exact, Dieu parlait par sa bouche. Mm-hmm. Voilà, pour annoncer que Jésus devait mourir pour le salut des Juifs, mm-hmm. mais aussi de toute l'humanité. D'accord. Deuxième mouvement, le verset 53 à 57. Oui. Nous avons les décisions issues de la conclave. Après la conclave, il y a une décision. Et la décision, c'est que Jésus doit mourir. Donc, voici la décision. Donc là, le décret est tombé. Le décret est tombé. Mmh. Il n'y a rien à faire. Il faut qu'on le tue. Il faut qu'il meure. On doit trouver le moyen de le tuer. La deuxième décision, c'est qu'on devait amener le peuple à dire où il se trouve. Oui. Celui qui sait où il se trouve doit le faire savoir. Donc, Jésus était un wanted man. Oui, c'était un homme recherché, un wanted. Mmh. Donc, il était recherché et tous ceux qui savaient où il se trouvait devaient signaler pour qu'on mène les démarches, pour qu'on l'arrête et qu'on le mette à mort. Voilà. Donc, voici les grandes décisions qui ont été prises. Et ces décisions qui ont été prises là ont amené aussi Jésus à prendre une décision. Mmh. La décision de ne plus exercer ministère public, mais de faire attention, de se retirer dans ses mouvements, de veiller en tout cas sur lui pour ne pas tomber dans le piège des pharisiens. Mm-hmm. Pas parce qu'il avait peur de mourir, mais parce que c'était sage. D'accord. Il se retire donc à Éphraïm, qui se situe au nord-est, au nord-est de Jérusalem, à une vingtaine de kilomètres de Jérusalem. Merci de suivre. Méditons ensemble, chers amis auditeurs. Jean chapitre 11, versets 46 à 57. C'est le texte que nous abordons pour ce mardi 25 février 2020 en compagnie de l'évangéliste Jean-Marc Agnero. L'observation va nous conduire à l'interprétation. On va s'intéresser à deux questions à ce stade de l'émission. On va commencer par les exemples à suivre et les exemples à ne pas suivre. Dans les exemples à suivre, il y a l'exemple de Jésus dans sa décision de ne pas paraître en public. Voilà. Même s'il savait que son heure n'était pas venue de mourir. Son heure n'était pas encore venue de mourir, mais il ne faut pas créer des clashs inutiles. Mm-hmm. Voilà. Et il faut être sage pour suivre le calendrier divin. Oui. Faut pas aller provoquer. C'est pas parce qu'il sait qu'il est Jésus, il sait que ce n'est pas pour lui l'heure de mourir. Selon les prophéties, c'est dans un temps bien précis qu'il doit mourir, donc il sait. Mais cela ne lui donne pas autorité de faire n'importe quoi. Et donc, il a fait le choix de se retirer pour véritablement favoriser l'accomplissement du plan de Dieu. Et ça, c'est vraiment une sagesse extraordinaire qui lui permettait tout simplement d'accomplir le plan de Dieu pour sa vie. Et je pense que ça, c'est un exemple à suivre face au complot, face aux manigances de l'ennemi. Parce que quand tu es conscient que tu as beaucoup d'ennemis, il va falloir agir en conséquence et user de sagesse. Et c'est ce que Jésus a fait. L'exemple à ne pas suivre, c'est l'exemple, bien évidemment, des responsables religieux qui, à cause de leur intérêt égoïste, font le choix de s'attaquer à quelqu'un qui est juste. Quelqu'un qui fait une œuvre qui est divine, mais à cause de leurs intérêts personnels, vaut mieux détruire cette personne-là pour que nous, notre autorité demeure, notre influence sur les autres demeure. C'est une œuvre égoïste, c'est méchant, c'est pas un exemple à suivre. D'accord. Alors, quelles sont les vérités que nous découvrons dans ce récit? Dans ce récit, plusieurs vérités, mais je vais souligner deux grandes vérités. La première vérité que je vais souligner est à l'endroit des serviteurs et des servants de Dieu. Il est important qu'ils comprennent que leur impact dans la vie d'une personne, d'un peuple, d'une communauté, ne sera pas sans conséquence. Ici, nous avons vu Jésus qui a ressuscité un mort Et je pense que ça devrait être une joie pour tout le monde. Mais la vérité est qu'une partie était en joie, mais une autre partie ne l'était pas. Et très souvent, la partie qui ne l'est pas est la partie qui est élevée en autorité, la partie qui est un pouvoir. Tu essaies d'amener une personne à sortir d'une vie qui n'est pas juste, à venir à une vie juste, la vie en Christ. Son père, qui est une autorité sur la vie de cette personne-là, peut aller contre cette bonne chose-là. Et donc, il est important que tous ceux qui servent le Seigneur, peu importe la dimension, peu importe la nature du service, mais on doit être à mesure de comprendre, on doit être conscient que l'impact que nous exerçons dans la vie des autres n'est pas forcément vu d'un bon œil. Et donc, à cause de cela, nous avons la responsabilité, et ça j'induis la deuxième vérité, de marcher avec la sagesse de Dieu. Car c'est la sagesse de Dieu seulement qui peut nous préserver des représailles que ces autorités-là peuvent manifester contre nous. Voilà. Et ça, c'est très important. C'est par la sagesse. C'est la sagesse qui a conduit Jésus à ne pas rechercher la confrontation, mais à s'éclipser, à faire profil bas. Parfois, fuir, parfois se cacher n'est pas... Une faiblesse. Une faiblesse. Ce n'est pas de la peur. Au contraire, c'est de la sagesse de Dieu. N'oubliez pas le conseil que Jésus a donné. Il a dit, soyez prudents comme les serpents. Et ça, c'est très important. C'est la seule qualité du serpent qu'il nous est demandé de manifester. Vous savez, le serpent, tout le monde veut le tuer. Il fait peur à tout le monde. Mais c'est à cause de cela que le serpent se cache constamment. Parce qu'il sait qu'il n'est pas aimé. On cherchera à le détruire. Voilà, c'est pas parce qu'il a un venin qu'il dira, non, moi j'ai un venin. Je peux me retrouver au milieu de tout le monde ici. Et puis, voilà, j'ai un venin. Mais bien vrai qu'il a un venin. Il sait que tout le monde veut l'avoir. Alors, il préfère se cacher. Il préfère sortir les nuits. Il préfère faire les choses. Voilà. Et je pense que c'est cette dimension d'intelligence-là, de prudence-là, que le Seigneur nous demande d'avoir. Donc, face aux représailles, face à l'impact que notre ministère peut apporter, il est important pour nous d'user de sagesse à tout moment, à chaque instant. Voilà. Pour accomplir, bien évidemment, le plan de Dieu. La troisième vérité que je vais souligner, c'est que Dieu peut mettre des paroles dans la bouche, même d'un insensé, juste pour voir accomplir ses projets. Là, nous parlons de souveraineté de Dieu. Oui, et c'est la raison pour laquelle prophétiser n'est pas un indicateur d'une bonne relation avec Dieu. Prophétiser ne définit pas la santé d'une relation de quelqu'un avec Dieu, parce que Dieu peut utiliser la bouche d'une personne pour faire connaître ses desseins, pour amener à accomplissement son projet. Ça ne fait pas de celui qui prophétise un super chrétien, un super enfant de Dieu. Voilà, et ça c'est très important parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est seulement celui qui prophétise qu'on doit écouter. Faisons attention parce que la prophétie ne détermine pas la santé spirituelle d'un individu. Ici, nous voyons quelqu'un qui veut tuer Jésus. Nous voyons un méchant, quelqu'un qui n'a aucune notion du plan de Dieu en train de prophétiser. Et lui-même, il ne sait même pas même qu'il est en train de prophétiser. Voilà, donc faisons beaucoup attention. La dernière vérité que je vais souligner, c'est que je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter encore. La sagesse de Dieu est la clé pour accomplir le projet de Dieu. Si vous n'êtes pas sage, vous allez vous perdre. Si vous n'êtes pas sage, vous ne saurez pas vous comporter comme il faut face à toutes les réalités en rapport avec votre vie, en rapport avec votre ministère, en rapport avec votre appel. Et donc, s'il y a un don que l'Église, le serviteur de Dieu, l'enfant de Dieu doit rechercher, c'est bien évidemment le don de la sagesse. Il est le don qui favorise l'accomplissement du projet de Dieu. Si vous savez que Dieu vous a appelé, alors recherchez la sagesse. Parce que c'est avec la sagesse que vous saurez poser les pas qu'il faut dans le but de ne pas tomber avant le temps. D'accord. Nous allons conclure cette émission, chers amis auditeurs, avec l'application, la dernière étape de notre méditation. Nous vous rappelons le texte que nous lisons. Il s'agit de Jean chapitre 11, les versets 46 à 57. Et notre invité est l'évangéliste Jean-Marc Agnero du ministère GSD Génération sans divorce. On va conclure, évangéliste. Qu'est-ce qu'on retient finalement de ce texte comme application? Il est important que nous fassions de l'impact. C'est à cela que nous sommes appelés. Guérir les malades, toucher les vies, faire sortir des personnes qui sont dans des fausses religions, dans des sectes pernicieuses, des gens qui sont conduits à la mort. Nous avons la responsabilité d'entrer dans ces familles. Nos nations qui sont en train de voter des lois iniques, nous avons la responsabilité de prêcher haut et fort que ces lois-là sont condamnées par Dieu et que dans nos hémicycles, au niveau de l'Assemblée nationale, ces lois-là ne doivent pas être votées. Et nous devons sensibiliser pour apporter la vérité au peuple, les sortir des ténèbres, apporter la lumière, mais en même temps, sachant que qu'il y ait un retour de manivelle. L'ennemi va se tenir là et l'ennemi va manifester des complots contre nous. Des hommes de Dieu seront accusés à tort, des complots seront fomentés pour neutraliser des ministères. Mais notre responsabilité, encore une fois, je le répète, c'est de faire de l'impact, mais aussi de marcher par l'Esprit de Dieu, dans la sagesse du Saint-Esprit, pour triompher et pour que notre ministère, notre raison d'être, le but de Dieu soit accompli. Qu'il en soit ainsi pour chaque individu, par rapport à ton entreprise, par rapport à ta maison, par rapport à ton foyer, par rapport à ta communauté, l'église que tu diriges, que la sagesse de Dieu soit ton partage pour que tu accomplisses le but de Dieu, malgré les complots, malgré la multitude des ennemis. Qu'il en soit ainsi pour le chef d'entreprise, qu'il en soit ainsi pour le chef de famille, qu'il en soit ainsi pour le leader de communauté, qu'il en soit ainsi pour le responsable des ministères, au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi aussi pour l'église, qu'il en soit ainsi pour toutes sortes de responsables. D'accord. Merci, évangéliste Jean-Marc Agnoreau. Je rappelle que l'évangéliste Jean-Marc Agnoreau est président de GSD, Génération sans divorce. C'est une structure, un ministère qui promeut le bonheur conjugal des couples et des fiancés. Complot contre Jésus, c'est le titre de la note explicative de Jean chapitre 11, versets 46 à 57, à retrouver, à lire à la page 30 dans le lecteur de la Bible. L'équipe de Méditons Ensemble était composée d'Alex Adombi, Pacôme à la présentation et à la mise en onde par Edouard Yao. Nous vous souhaitons une très bonne journée en compagnie des programmes de la radio. On se retrouve demain pour la lecture du psaume 100. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Méditons ensemble le rendez-vous quotidien avec Dieu à travers la réflexion sur les Saintes Écritures. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105.